Manière de dire plastique. Papa, j'ai fait un bouquet de fleurs pour maman. Parce que si tout le monde fait ça, alors après, il n'y a plus de fleurs. D'accord ? Nous, on a des nouvelles fleurs à la maison. Là, le temps qu'on ramène à vélo, le fleur, elle est encore un peu plus tard. Il ne faut pas déchirer les fleurs qui sont comme ça sur les plantes, sur la plage, d'accord ?